13, 9, observation, décision et indécision. Indécision? Je ne sais pas. Peut-être. Ça dépend. Il faut voir. Je ne suis pas très fixé. Je ne suis pas très décidé. Je ne veux pas me décider trop tôt. Décision? Bon, eh bien, voilà. Ça y est. C'est décidé.